La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand l'hydrogène joue du métal. Nul résultat de recherche ne tombe directement du ciel. Il faut aller le chercher laborieusement, en faisant des observations, des analyses, des mesures, des calculs, en mettant en place des protocoles, en traquant les incertitudes, les à peu près, les biais, les zones d'ombre, les erreurs qui se nichent ici ou là, en inventant parfois d'autres techniques, en explorant de nouvelles idées. Il faut ensuite discuter les résultats obtenus avec d'autres chercheurs qui s'intéressent aux mêmes questions ou travaillent sur des sujets voisins. Tout cela demande du temps, beaucoup de temps, contrairement à ce que certains esprits trop zélés ont voulu nous faire croire depuis les débuts de la pandémie. Ils ont annoncé de façon péremptoire, urbi et orbi, de prétendus résultats ou de prétendus remèdes qui allaient bien au-delà de ce que les études sérieuses, qui n'avaient pas encore abouti et pour cause, permettaient d'affirmer. Les choses sont pourtant ainsi. La temporalité propre de la recherche a si peu à voir avec celle de Twitter qu'on devrait se méfier des proclamations individuelles et des communiqués autopromotionnels que d'aucuns jettent prématurément en pâture à une opinion forcément inquiète. La seule invocation de l'urgence n'a jamais rien prouvé. Parfois, il faut même attendre des décennies pour pouvoir dire qu'on sait vraiment. En 1916, Einstein prédisait l'existence des ondes gravitationnelles. Elles n'ont été détectées pour la première fois qu'en 2016, soit un siècle plus tard. Désormais, on peut dire qu'on sait. En 1964, trois physiciens théoriciens prédisaient l'existence d'une nouvelle particule, le boson de Higgs, qui fut détecté 48 ans plus tard en 2012, au prix de gigantesques efforts, notamment la construction d'un gigantesque collisionneur de protons, le LHC. Depuis, et seulement depuis, on peut dire qu'on sait. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est au moins aussi belle que ces deux exemples. Elle illustre, elle aussi, les vertus d'une bonne combinaison entre détermination, inventivité et patience. En 1935, c'est-à-dire il y a 85 ans, Eugène Wigner, futur prix Nobel de physique, et son étudiant Ila Huntington firent des calculs à propos de l'hydrogène en utilisant le formalisme de la toute neuve mécanique quantique. Cela les conduisit à prédire quelque chose d'étonnant. Sous des pressions gigantesques, les atomes d'hydrogène, constitués d'un proton et d'un électron, devraient expulser leur électron pour s'agencer en un cristal régulier de protons. Les électrons pourraient alors se déplacer librement au sein de ce cristal et y former à leur guise un courant électrique. Bref, l'hydrogène, qui est normalement un isolant, deviendrait métallique, c'est-à-dire capable de conduire l'électricité. Pendant 85 ans, à la question « Cette prédiction de Wigner est-elle juste ?», on a répondu « Sans doute, mais ce n'est pas prouvé ». Mais depuis quelques mois, on peut enfin clamer « Oui ». Cette prédiction est parfaitement juste, elle a été prouvée par une expérience extraordinaire. Mis sous pression, l'hydrogène devient bel et bien un métal. La preuve en a été apportée par une petite équipe de physiciens, dont mon invité fait partie. Bonjour Paul Loubert. Bonjour Étienne. Vous êtes physicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous avez signé avec vos collègues au mois de janvier 2020 un article dans la revue Nature, qui annonce que vous avez réussi à démontrer par une expérience qu'en effet l'hydrogène devient métallique sous des très fortes pressions. Et le titre m'a intrigué parce que vous dites c'est une sorte de preuve probable de cette qualité qu'a l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve probable? C'est la traduction en fait de « Evidence of the probable transition to metal hydrogen ». En fait... On a été un peu obligé de mettre ce terme probable, puisque on avait une signature qui était nécessaire de l'état métallique de l'hydrogène, mais on n'avait aucune mesure directe de l'hydrogène. Et comme on discutait au cours des années passées, il y a eu beaucoup d'annonces de la métallisation de l'hydrogène, les éditeurs sont très prudents pour refaire une nouvelle annonce définitive. Vous voulez dire qu'il y a eu des fausses annonces, on l'a cru. Il y a eu beaucoup de fausses annonces, des observations mal interprétées. Donc là, on a une observation et on pense que nos données sont assez robustes et la qualité des données est assez claire. Mais comme nous n'avons aucune mesure d'une propriété de l'hydrogène, il y a eu les référis et à la fin l'éditeur ont demandé à ce qu'on mette ce terme probable pour être plus bilan. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que c'était une preuve indirecte ? Simplement indirect. C'est-à-dire montrer que l'hydrogène est métallique, ça veut dire qu'il est conducteur, il conduit le courant, et vous n'avez pas mesuré sa conductivité, mais vous avez démontré son état métallique par d'autres voies sur lesquelles on reviendra. Une voie optique, mais on ne pouvait pas exclure le fait que ce n'était pas tout à fait métallique. Il y avait encore un tout petit gap électronique qui faisait qu'il fallait fournir une toute petite énergie pour que l'hydrogène devienne un métal et qu'on ne pouvait pas détecter parce que notre mesure couvrait un certain domaine d'énergie seulement. Alors Paul Aubert, je dois dire aux auditeurs par honnêteté que nous nous connaissons très bien, nous étions au lycée ensemble, mais ça n'est pas par l'effet de quelques népotismes que je vous invite, c'est parce que vous avez, avec deux autres auteurs qui sont Florent Occelli et Paul Dumas, publié cet article très important dont on dit qu'il est nobelisable. Non, mais enfin on verra. En tout cas, c'est pour cet article que je vous invite et non pas pour témoigner publiquement de l'amitié que nous portons. On va se vouvoyer quand même pendant l'émission, par respect pour les auditeurs. Est-ce qu'on peut, ça sera le but de l'émission, de revenir sur cette histoire incroyable de l'hydrogène, parce qu'il a été finalement baptisé de cette façon par Lavoisier en 1783, donc c'est une vieille histoire. Mm-hmm. Et hydrogène en grec, ça veut dire qu'il engendre l'eau, c'est-à-dire que quand on le combine à l'oxygène, il engendre l'eau, et on a pu liquéfier l'hydrogène en 1877. Et puis ensuite, il est devenu une sorte de laboratoire pour tester les prédictions de la mécanique quantique dans les années 1920. D'abord, l'équation de Schrödinger qui permet de calculer les niveaux d'énergie des électrons qui tournent autour du seul proton qui constitue l'hydrogène. Et puis ensuite, c'est l'équation de Dirac qui a permis de tenir compte des faits relativistes dans la description de l'énergie des électrons. Et cet article de Wigner dont j'ai parlé, qui date de 1935, prédit donc que, sous très forte pression, il donne même une valeur numérique, l'hydrogène deviendra métallique. Et quels étaient est-ce qu'on peut raconter comme ça, à la radio, sans équation, les arguments théoriques qui ont permis à Wigner de faire cette prédiction qui est donc maintenant vérifiée? En tout cas, probablement vérifié par l'expérience. Donc en fait, l'hydrogène, ça peut être vu comme un métal alcalin, comme le lithium, c'est des métaux, ils ont un électron, et donc c'est des systèmes qui forment des solides métalliques. Or l'hydrogène, du fait que le niveau atomique le plus élevé est assez loin, il forme des molécules en fait, il forme des molécules. Donc l'hydrogène forme très facilement cette molécule H2. Et donc, quand on condense de l'hydrogène, on le liquéfie, ou même on peut aller plus bas en température, on le solidifie, ça fait un solide moléculaire. Et donc, c'est des H2, des molécules, des molécules qui s'organisent dans un réseau. Voilà. Si ce n'est que en mécanique quantique, quand on va confiner les électrons, on va confiner un élément. Confiner, c'est un drôle de terme. actuellement, c'est un drôle de terme. Mais quand on va essayer de mettre ce volume des électrons dans un volume de plus en plus petit, il y a un principe d'incertitude en mécanique quantique qui fait qu'on ne peut pas connaître et son quantité de mouvement et sa localisation, ce qui fait qu'il a une énergie cinétique quantique qui devient très très forte, et donc à un moment donné ça casse. Les électrons vont avoir tendance à se délocaliser. En gros, l'énergie attractive électron proton, c'est en 1 sur R, et l'énergie de confinement, c'est en 1 sur R2. Donc à un moment donné, pour une distance plus faible, ça casse. C'est un paradoxe, c'est le confinement conduit à une sorte de libération. Voilà, si on peut dire ça comme ça, voilà, donc c'était l'idée intuitive, l'application la plus directe. Maintenant, il fallait faire des calculs, à quelle pression ça allait. Et donc, à ce moment-là, il y avait la mécanique quantique, il y avait la description du nuage d'électrons Fermi, les électrons, qui avaient une statistique de Fermi-Dirac qui tentait ils peuvent pas être au même endroit. On pouvait calculer l'énergie d'un gaz d'électrons, et c'est tout ce formalisme qu'on commençait à appliquer à la mécanique quantique, et l'hydrogène était le système le plus simple pour l'appliquer, puisqu'il y avait juste des protons et des électrons. Il y avait un système de deux particules. Bon, il y avait beaucoup de particules, et c'est toujours le problème de décrire un ensemble, un solide avec la mécanique quantique, si ce n'est que maintenant on arrive à... Il y a des théories approchées qui permettent de décrire ces Hamiltoniens très précisément. Mais à l'époque, c'était les premières applications de la description de cet Hamiltonien de plusieurs particules. Et c'est une époque où on avait très grande conscience de la physique quantique, 1935, en fait, il y avait déjà beaucoup de... C'était assez remarquable, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc faire des calculs avec des... Il fallait comprendre comment ces électrons interagissaient entre eux, pourquoi il y avait une partie de corrélation, une partie de répulsion avec leurs statistiques. Tout ça faisait qu'on avait une énergie de ce gaz d'électrons. Et donc, c'était le premier calcul un peu poussé de ce métal d'hydrogène. Mais Paul Wigner et son étudiant, ils prédisent une pression à partir de laquelle ce phénomène de métallisation doit se produire. Il faut comparer l'énergie d'un solide de molécules avec l'énergie d'un métal fait de protons et d'électrons. Et curieusement, là où Wigner prédisait que l'énergie allait devenir favorable au-dessus de 250 000 fois la pression atmosphérique, qui était colossale à l'époque. Donc en fait, se tromper, c'était pas très important. On pensait que jamais on allait aller dans ce domaine de pression, puisque à l'époque, les pressions maximales, c'était 25 000 fois la pression atmosphérique, et encore pas sur l'hydrogène. Et là où l'erreur, elle a été faite... pour la prédiction de cette pression, la plus grande erreur, c'était sur le comportement de cet ensemble de molécules, comment elle allait se comprimer en fait. Et c'était ça qui était le plus difficile peut-être à calculer, parce que c'était les interactions entre molécules, comment ces molécules allaient se comprimer, et là il n'y avait pas de théorie simple en fait à l'époque. Mais est-ce que c'est pas ça qui est quand même le plus beau en physique, c'est qu'on soit capable de prédire l'existence de nouveaux phénomènes, ou bien de nouveaux objets qu'on n'a jamais vus et qui sont prédits par l'application simplement de ce qu'implique le formalisme, oui, en l'occurrence la mécanique quantique. Oui, oui. Et en fait, l'hydrogène était le système pour faire ces applications de la mécanique quantique. Le plus simple. Vous avez parlé de l'atome d'hydrogène qui avec ses raies pour le raffinement de la mécanique quantique. Et à chaque fois que on a affiné la mesure des raies de l'atome d'hydrogène, on a fait une nouvelle théorie. Enfin, la théorie, donc, il y a eu Bohr, puis après Dirac avec la mécanique quantique et la relativité, et puis après d'autres raies plus fines avec l'électrodynamique quantique, et même quasi des raies hyper fines qui vont regarder l'interaction. Donc on peut dire que l'hydrogène, c'était une sorte de, comme je le disais, petit laboratoire où la théorie et les mesures coïncident. Voilà, donc on était passé à l'atome, après la molécule, c'était plus difficile à décrire, il n'y a pas de théorie exacte, et puis après l'ensemble de molécules, c'était encore plus difficile. Ça, c'était vu comme le système, le solide un peu de référence pour pouvoir appliquer les premiers concepts. Et donc ça paraissait assez simple, le solide hydrogène, en 1935, voilà, on faisait un calcul, on avait un solide métallique qui finalement était décrit par un gaz d'électron-proton, c'était assez simple. Si ce n'est que plus la description de la matière condensée évoluait, de cet ensemble d'un solide, la description au niveau électron et noyau, hein, plus les outils permettaient de prédire des comportements vraiment un peu inédits pour l'hydrogène. Et au cours des années 60 et 70, l'hydrogène est vu comme un système, l'hydrogène métallique est vu comme un système en fait très quantique, où en fait le proton est très léger par rapport à un autre noyau, et donc il y a des effets quantiques du proton qui rentrent en jeu, et donc l'hydrogène pourrait avoir des propriétés remarquable, comme on pourrait dire intégralement quantique, qui ne ressemble rien aux prédictions de la physique classique, qui ont été observées dans d'autres systèmes comme une supraconductivité, mais l'hydrogène dans les années 60, il y a une prédiction comme quoi l'hydrogène serait un supraconducteur à température ambiante, ce qui à l'époque était inimaginable. Les supraconducteurs étaient vus à très basse température. Et puis depuis, il y a eu d'autres prédictions qui étaient des couplages entre ces particules protons, électrons, ou si on met un autre isotope, c'est un noyau qui au lieu d'avoir qu'un seul proton, un proton, un neutron, eh ben on a d'autres phénomènes quantiques. Donc c'est toute cette évolution de l'hydrogène qui a en fait pousser des mesures qui devaient être fines pour pouvoir révéler ces phénomènes. Mais est-ce qu'on est capable de dire quel a été l'écho de ce papier de Wigner? Est-ce qu'il a été très commenté? Est-ce qu'il est passé inaperçu? Est-ce qu'il a suscité de l'intérêt immédiatement? Est-ce que des gens ont essayé de vérifier cette prédiction? Je pense que dans les 35, il est passé un peu inaperçu. Enfin, c'était une première prédiction. C'est surtout, je pense, c'est réapparu vraiment dans les années 60 où le domaine expérimental des pressions faisait des progrès et qu'on allait pouvoir rechercher Il me semble qu'il y avait même une compétition entre les blocs, entre l'URSS et les États-Unis. Alors, en fait, c'est devenu la recherche de l'hydrogène métallique est devenue, une espèce de démonstration de force scientifique dans les années 70. Et il y avait, même les Russes ont construit une presse énorme dans les années 70 pour pouvoir éventuellement comprimer cet hydrogène et l'observer métallique. Et à l'époque, les prédictions le donnaient dans le domaine du million d'atmosphères. Un million, et donc l'annonce était à un million d'atmosphères, ils comprimaient avec une grosse presse de l'hydrogène cryogénique avec des électrodes et il est devenu métallique. Le problème, c'est que c'était des annonces... et il n'y a pas eu de vérification. Et puis après, les calculs ont montré que c'était pas possible. Et puis les mesures qui ont été faites ensuite ont montré que c'était pas possible. Et puis après, il y a eu une compétition qui a été faite aussi avec des. On peut comprimer la matière de manière statique. C'est ce que nous on essaie de faire. Et donc on a un échantillon qu'on vient comprimer, il est stable. Ou alors on peut le comprimer de manière dynamique avec des symboles des ondes de choc ou des compressions dynamiques, ce qui permet de monter plus haut en pression. Il y a toujours un échauffement de l'échantillon qui est associé. Et les gens ont cherché à révéler le caractère conducteur de cet hydrogène par des manips dynamiques, et c'était aussi des grosses expériences américaines et russes dans les années 70. Et comment est-ce que vous êtes vous-même arrivé à ce sujet, Paul Loubert? Je me souviens qu'au lycée, vous étiez très fort en physique, mais votre rang, parce que vous travaillez sur cette question depuis des années. Oui, moi j'ai commencé ma thèse, j'ai juste en physique des hautes pressions qui commençait à un domaine qui devenait plus abordable pour de la physique fine, puisque il y avait la presse en coume de diamant. Donc je pourrais peut-être faut expliquer ce que c'est. Ça a permis d'atteindre les donc les en fait pressions. Nous on atteint les très hautes pressions sont obtenues entre deux pointes, en fait dans un appareillage s'appelle la presse en coume de diamant, entre deux pointes de diamant. Donc il y a un effet de surface, c'est comme si vous mettiez la tour Eiffel sur la paume de votre main, en gros. Donc vous arrivez à des pressions énormes avec des toutes petites surfaces, avec une vous appliquez une force derrière un diamant. Plus la surface est petite, plus la pression peut être grande. Plus elle est grande. Donc et on met une feuille métallique percée d'un trou qui vient confiner l'échantillon. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait une équipe française, donc c'était mon directeur de thèse, Jean-Michel Besson, qui avait réussi à mettre de l'hélium dans une cellule en coulombe de diamant. Et donc, l'hélium était aussi un système quantique, et donc ça permettait d'aller étudier ces systèmes simples à très haute pression, et donc c'était la voie aussi à mettre de l'hydrogène, ainsi de suite. Donc j'ai commencé à travailler sur l'hélium, puis après... Mais déjà avec l'idée de montrer que l'hydrogène peut devenir métallique, ou c'était simplement Non, moi c'était, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire des mesures fines sur des systèmes modèles, comme l'hélium et l'hydrogène, pour voir les propriétés quantiques de ces systèmes-là à très haute pression. J'ai essayé de faire des mesures très fines sur l'hélium pendant une dizaine d'années avant de me mettre sur l'hydrogène. En fait. Alors, quel est l'intérêt du diamant, Paul Loubert? C'est un matériau qui est intrinsèquement un matériau de la haute pression. Donc, c'est du carbone qui est fait au centre de la Terre. Et c'est un matériau qui est très dur, c'est le matériau le plus dur, qui est parfaitement transparent. Et donc, ça permet de comprimer la matière, de l'observer et de faire des mesures, la lumière, et de faire toutes les mesures spectroscopiques. Et maintenant, les environnements de l'échantillon en cellule en coulombe de diamant sont très complexes. On arrive à faire pratiquement les mêmes mesures qu'un échantillon à pression, pour un échantillon à pression ambiante, sous des millions d'atmosphères. Et ça, on utilise aussi, on en parlera peut-être, des grands instruments qui sont les synchrotrons, qui sont des accélérateurs d'électrons qui tourne sur un anneau, et les oscillations de ces électrons émettent un spectre de la lumière très intense qui va de l'infrarouge aux X durs, et on utilise cette lumière pour caractériser notre échantillon qui est tout petit en fait. Alors on va essayer de suivre les étapes. J'ai commencé à travailler sur l'hydrogène en fait parce que à l'époque j'allais aux États-Unis sur un synchrotron à la fin des années 80 et on cherchait à mesurer l'équation d'état de l'hélium. Et je collaborais avec une équipe américaine qui, eux, essayaient de le faire sur l'hydrogène. Et je leur ai demandé s'ils voulaient bien collaborer sur l'hydrogène. C'était leur chasse gardée. Et si ce n'est que quand le synchrotron de Grenoble SRF s'est construit, le directeur de l'époque, qui s'appelle Yves Petrov, m'a invité à faire ces manips de l'équation mesurer l'équation d'état d'hydrogène pour le synchrotron SRF sera un résultat important. Et donc, il m'a invité à venir utiliser cette source qui était la plus intense au monde pour faire cette... C'est quelles années ? C'est à la fin des années... C'est début 91-92, ouais. À cette époque, est-ce que vous aviez cet objectif de montrer que l'hydrogène est métallique ou c'était autre chose qui vous intéressait ? Vous parlez de mesure ? En fait, je pense qu'il ne faut pas être... Enfin, le problème de la recherche d'hydrogène métallique par certains groupes, c'est juste l'obsession du résultat pour être le premier. Effectivement, c'est un sommet qui... C'est comme une montagne, il faut être au sommet. Mais il y a des... Comme je disais tout à l'heure, la physique moléculaire, comment les molécules vont s'arranger et évoluer jusqu'à la phase métallique, est aussi très intéressant. C'est un système très intéressant. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire des mesures propres et valables pour essayer de confronter au calcul de cette phase moléculaire qui est aussi très intéressante. Alors, ces presses en enclume de diamant que vous utilisez, elles ont été inventées par qui et quand ? Alors, elles ont été inventées dans les années, il y a très longtemps, pratiquement la date de naissance, en 1958, aux États-Unis. Mais à l'époque, en fait, c'était après-guerre. Les Américains avaient un stock de diamants qu'ils avaient récupéré des gens qui cherchaient à passer des diamants en douce aux États-Unis quand ils immigraient. Du trafic, voilà. Et donc, c'était au National Bureau of Standards. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces diamants récupérés comme instrument de physique. Et donc, comme c'est un diamant très dur, on va faire de la haute pression avec. Et donc, c'est comme ça que la presse en clume diamant est née. Si ce n'est que à l'époque, jusqu'en les années 70, on faisait pratiquement pas de mesures. On regardait juste ce qui se passait, mais il y avait pas de les mesures étaient était très difficile. Les spectroscopies Raman avec les lasers commençaient juste en années 70. Et puis après, les synchrotrons, vraiment, la source X, ont permis de caractériser les structures qu'on observait, de caractériser les échantillons. Bon, si je comprends bien, Paul Hubert, ce qui vous a permis de faire cette expérience, c'est le couplage entre une technique, la presse en clume de diamant, et puis la lumière synchrotron, qui contient toutes les longueurs d'onde qu'on peut sélectionner et qui permet de voir comment le diamant est transparent ou pas au passage de la lumière. Oui, c'est ça. Mais il y a plus de choses. C'est-à-dire que cette presse en clume de diamant a constamment évolué au cours du temps et on savait que l'hydrogène allait devenir métallique dans les domaines au-dessus de 4 millions d'atmosphères à peu près, par extrapolation de mesures précédentes, par les calculs les plus avancés. Si ce n'est que la presse en clume de diamant ces 20 dernières années, il y a plusieurs équipes dans le monde qui ont cherché à comprimer l'hydrogène jusqu'en dans ce domaine-là, était limitée, pouvait pas aller au-dessus de 4 millions d'atmosphères. Et les annonces les plus récentes, il y a une annonce très récente, il y a 2 ans, d'une équipe de Harvard qui a dit qu'ils avaient obtenu, donnant une photo, en gros, de l'hydrogène avec un éclat métallique, annonçant à 4,9 millions d'atmosphères. Or, personne, avec les antennes diamants telles qu'ils les utilisaient, n'était monté dans ce domaine-là. Et donc, la communauté était très, très sceptique. D'autant plus qu'il y avait pratiquement aucune mesure sur l'hydrogène, il n'y avait pas de mesure sur l'hydrogène en montant en pression, et donc ça fait une controverse. Et donc pour laquelle nous, vous avez participé, je crois. On a fait un commentaire en fait de cet article, comme plusieurs en fait. Il y a eu un débat dans la communauté, et je pense que cet article est toujours cité, mais en fait personne n'y croit en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que on puisse... Alors en fait, il était important pour pouvoir faire une annonce valable et non contredite par la suite. Il était important de montrer qu'on pouvait aller dans le domaine de pression dans lequel on voulait aller, c'est-à-dire au-dessus de 4 millions d'atmosphères. Il était important de faire des mesures de l'hydrogène en montant en pression des mesures avec une très bonne qualité, montrant que comment le système évoluait et comment il allait. Il était important d'avoir une signature de cet hydrogène transition à la phase métallique. Et surtout, il était important à la fin de montrer que le système qu'on caractérisait à la fin, c'était bien l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, en fait, c'est un système qui est très réactif. Et donc, il peut diffuser dans le joint métallique, il peut réagir avec le métal, le dissoudre et changer ses propriétés. Donc, il était important de montrer que les propriétés qu'on avait mesurées dans cette phase à haute pression, si on redescendait en pression, on retrouvait de l'hydrogène. Vous ce soit réversible. Réversible, voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait en fait. On a depuis quelques années, on cherchait une nouvelle forme de cellules de diamants pour pouvoir aller dans le domaine au-dessus de 4 millions d'atmosphères. Et donc jusqu'à présent, les diamants utilisés étaient des diamants qui étaient obtenus par polissage, c'était des diamantaires qui polissaient les diamants. Donc c'est des facettes. Hein. Il y a un plat avec des facettes et une pente plus ou moins, un chanfrein plus ou moins pentu. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de sculpter ce diamant avec des nouveaux outils qui sont accessibles maintenant pour la nanophysique, qui sont ces faisceaux d'ions focalisés. Et on a pu sculpter une forme de diamant qu'on a mise au point pour pouvoir aller dans le domaine des 4 millions, des 6 millions. C'est la forme d'un torse, si j'ai bien compris. C'est comme si on mettait une petite enclume sur... En fait, on a fait une forme avec deux enclumes superposées, en fait. Qui ont quelle forme ? C'est un petit dôme sur le plat, en fait. Et puis, il y a une forme un peu... Et surtout, cette forme-là, on l'a mise au point par essai-erreur, en allant auprès du synchrotron et en imageant la déformation des diamants sous pression pour pouvoir compenser les déformations qui n'allaient pas bien. Et c'est cette forme qui vous a permis de dépasser les 4 millions d'atmosphères. Cette forme qu'on a montré qu'on pouvait atteindre des pressions qui étaient de 6 millions d'atmosphères sur des métaux. Sur un autre gaz comme l'argon, on est monté à 4,5 millions d'atmosphères. Et sur l'hydrogène, on a pris la même forme. Ça nous a demandé un peu de temps parce que l'hydrogène est tellement compressible que le joint métallique se déforme différemment. Donc il a fallu un petit peu encore optimiser la forme et surtout éviter les alignements soient parfaits. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu valider qu'on est vraiment dans ce domaine-là. Et puis, les données de spectroscopie infrarouge qui ont été obtenues permettaient de comprendre comment, l'hydrogène allait devenir un métal, c'est-à-dire que... Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'un métal fait quand il est traversé par de la lumière ? Un métal, la lumière ne traverse pas, la lumière est absorbée en fait. Mais avant de devenir métal, si on donne, il y a dans un solide l'énergie qu'il faut donner aux électrons pour les arracher de leur position et de les faire circuler un peu dans le solide. Donc si on donne une énergie suffisante, les électrons vont devenir mobiles, mais après ça va pas durer. Et donc c'est cette énergie là. S'appelle le gap électronique entre la bande où les électrons sont localisés et la bande où ils peuvent conduire qui fait la différence entre un semi-conducteur, un isolant et un métal. Donc en allant sous pression, l'hydrogène qui a un très grand gap, hein, il faut vous donner beaucoup d'énergie, c'est en gros 11 EV, 11 électrons-volts pour que l'électron puisse être arraché de sa position fixe dans le solide. Eh ben, en montant en pression, cette différence d'énergie diminue, en fait, ce gap se ferme. Donc il est de plus en plus facile de leur donner l'énergie qui leur permet d'être mobile. Voilà, et donc il y a quelques années, il y a 20 ans, on avait fait une manip, une expérience où on avait vu que l'hydrogène, en fait, devenait noir sous pression. Ça veut dire qu'il absorbait le visible et devenait comme le silicium, par exemple, qui est un semi-conducteur, c'est-à-dire que toute la lumière visible est suffisante pour rendre mobiles ces électrons et donc la lumière peut pas se propager, peut pas traverser le solide. Mais pour aller plus loin, il fallait montrer que cette énergie allait se fermer en allant dans l'infrarouge, plus en diminuant l'énergie qu'il fallait donner. Et donc il fallait étendre ces mesures-là dans l'infrarouge. Le problème du rayonnement infrarouge, c'est que les trous sont petits, ils font 5 microns de diamètre, et c'est un rayonnement qui va de 1 à 10 microns. Donc la longueur d'onde est plus grande que le trou, il émet de diffraction. Il faut beaucoup de flux à l'intérieur pour pouvoir qui traverse l'échantillon pour pouvoir faire des mesures. Et c'est pour ça que le synchrotron était idéal pour ça. Et donc on a décidé, avec Paul Dumas, qui était le responsable de ligne de la ligne infrarouge de soleil, on a décidé de monter, de développer un banc sur le synchrotron pour faire ces expériences-là, il y a une dizaine d'années. Ça me gêne de vous interrompre, ouais. Paul Loubert, mais on doit passer un morceau de musique, celui que vous avez choisi, ouais. Et vous nous expliquerez pourquoi vous l'avez choisi. Je crois qu'il s'appelle Mercy, et il est de Max Richter. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Paul Loubert, merci, une musique que j'entends comme une sorte d'éloge de la sobriété, de la simplicité. Est-ce que ça a joué dans votre choix ? Exactement, ouais. C'est une musique qui est très simple, qui paraît très simple, et en fait elle est très difficile à jouer. Je fais un peu de violon et c'est difficile, très difficile à jouer. Parce que tout doit être parfait, et en fait, les notes sont, c'est pas si simple que ça. Donc, est-ce que c'est pas une métaphore de l'hydrogène? C'est l'élément le plus simple, et en fait, il est très complexe. Très complexe, effectivement. C'est une simplicité, cette simplicité est très belle aussi. Donc, dans l'hydrogène, c'est pareil. Il faut être très précis, pour pouvoir, travailler sur l'hydrogène. Il faut faire des mesures qui sont, comme c'est un système un peu modèle, il faut des mesures qui soient fiables et précises et indiscutables. Et indiscutables, voilà, exactement. Alors, on va reprendre le fil de cette découverte. Vous nous expliquez comment la lumière permet de finalement sonder, grâce au fait que le diamant qui est dans la presse est transparent à la lumière, de permettre de sonder le comportement de l'hydrogène qui n'est pas le même selon qu'il est métallique ou pas métallique. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les éléments clés de cette démonstration ? Vous avez parlé de l'infrarouge. De quoi est-il la signature ? Qu'est-ce qui permet de montrer du comportement de l'hydrogène ? Quand il est métallique, l'infrarouge n'est plus absorbé. Voilà, mais notre signature, c'était de montrer que cet écart d'énergie entre cette bande de valence où les électrons sont liés et cette bande de conduction devenait de plus en plus petite. Et donc, on a pu le mesurer, cette évolution, par la spectroscopie qu'on a fait dans l'infrarouge. Et la qualité des données, en fait, obtenues, est assez, sont des données qui sont très belles. En fait, c'est comme si un échantillon était à pression ambiante. Ça qui est assez remarquable. Et à un moment donné, il n'y a plus du tout de transmission. Donc, c'est vraiment une transition. C'est une transition qu'on a vue réversible. Et ce réversible, c'est-à-dire que si on lâche la pression, voilà, on retrouve le comportement d'avant. Voilà, et ce qui nous fait dire qu'en fait, donc cet hydrogène métallique avait gardé encore un appariement de protons. C'était encore un métallique avec des molécules, hein, moléculaires. Et cette possibilité d'un métal moléculaire n'a été prédite que dans les années 80, en fait. C'est quelque chose qui on pensait que ça allait passer directement de l'hydrogène moléculaire à un métal atomique. Et il y a eu quand les calculs sont devenus par ordinateur sont devenus plus efficaces, les théoriciens ont commencé à faire des calculs sur les propriétés de l'hydrogène à très haute densité, et ils ont montré que effectivement il y a une possibilité d'avoir une phase métallique moléculaire. C'est-à-dire, vous êtes appuyé aussi sur la simulation. Ah oui, bien sûr, c'est en fait pour qui décrivent, la simulation décrive les structures de cet hydrogène moléculaire. Ce que nous, on a mesuré maintenant, c'est cet écart entre la bande de valence et la bande de conduction, qui est une mesure des propriétés électroniques de l'hydrogène quand il approche de la méthanisation, qui est un test très sensible, en fait, maintenant, des calculs. Parce que les calculs ont du mal à calculer cette énergie, en fait. Et actuellement, les calculs cherchent à... il faut aller plus loin qu'un comportement d'une description... qui est très efficace actuellement pour décrire tous les matériaux, qui s'appelle la fonctionnelle densité. Il faut faire une description un peu plus quantique, où on prend en compte les énergies d'excitation et éventuellement le couplage entre le proton et les électrons. Il y a une approximation disant que les protons sont fixes ils sont pas couplés aux électrons. En fait, ça sera peut-être mis en cause aussi. Donc, l'hydrogène permet, avec ses mesures fines, permet d'aller plus loin dans la description au niveau électronique d'un matériau. En fait. Et donc de tester des modèles. De tester des approches théoriques, ouais. En fait. Mais Paul Houbert, est-ce qu'on est capable de dire quelle est la taille, disons, de la communauté des chercheurs qui s'intéressent à ces questions ? Est-ce que c'est quelques équipes dans le monde ? Alors, quelle est la taille des équipes ? Les gens qui font des expériences sur l'hydrogène très dense, il faut une expertise, c'est pas mal d'investissements. On dirait qu'il y a 5-6 équipes dans le monde qui, en statique, cherchent à comprimer l'hydrogène à ultra haute densité. Et les théoriciens, il y a beaucoup de gens, beaucoup de groupes théoriciens, pour qui l'hydrogène est un système modèle, donc ils cherchent à appliquer, à faire des calculs sur l'hydrogène. Donc c'est dites que c'est des gros moyens, mais vous avez signé cet article de Nature à 3, ce qui est peu par rapport à une publication physique des particules. C'est des gros moyens, c'est du long terme, il faut faire des développements techniques. On a tout un développement technique sur le long terme, arriver à comprimer l'hydrogène. Ça demande un savoir-faire, ça demande effectivement des moyens là pour usiner, pour mettre en, ça demande des outils qui sont à la pointe. Et effectivement, les synchrotrons sont ouverts à toutes les équipes, donc n'importe quelle autre équipe aurait pu éventuellement faire cette expérience. D'autres ont cherché à la faire différemment en mettant des petits fils, des mesures de conductivité. Si ce n'est que, en l'occurrence, pour ce synchrotron soleil, comme on avait développé ce banc infrarouge, on a demandé à être les seuls à l'utiliser. Et d'ailleurs, la direction de soleil nous a donné du temps de manière récurrente pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. On nous a fait confiance qu'on allait y arriver. Et en France, de toute façon, il n'y avait pas d'autres équipes qui cherchaient à le faire. Donc, c'était... Mais quand même, je disais que la recherche est une affaire de patience, de détermination, mais vous êtes un exemple un peu atypique, c'est 35 ans de recherche. Est-ce qu'il y a des périodes de découragement ou d'envie de changer de sujet parce que c'est trop difficile? Alors, il y a deux choses. On ne fait pas, je fais pas que d'hydrogène. Il n'y a pas que ce sujet-là pendant 35 ans. C'est-à-dire, moi, j'ai en travaillant dans un labo de haute pression, on a d'autres sujets. C'est un domaine de recherche, la haute pression, qui regarde le comportement des matériaux de l'intérieur de la Terre, qui regarde la synthèse de nouveaux matériaux par pression, qui regarde les intérieurs des planétaires. Il y a plein de mesures que l'on fait, mais l'hydrogène, en fait, permet et de faire avancer les descriptions théoriques, mais surtout de faire avancer les techniques expérimentales. Et si on a mis autant d'efforts pour développer de nouvelles approches expérimentales, c'est parce que le résultat allait être important, en fait. Mais maintenant, ces nouvelles formes d'enclumes qu'on a mis au point, on va les utiliser pour utiliser d'autres systèmes. et plus pour regarder d'autres phénomènes. Donc il y a des retombées techniques. Mais comme partout dans l'hydrogène, en fait, l'étude de l'hydrogène historiquement, le fait de savoir que l'histoire de l'étude de l'hydrogène, à chaque fois, en fait, des nouveaux outils ont été développés pour étudier l'hydrogène, qui après ont servi à d'autres applications. Pour prendre l'exemple le plus récent, la recherche des mesures ultra fines de spectroscopie dans l'hydrogène avec les spectroscopies à deux photons, ainsi de suite, pour mesurer la constante de Rydberg avec une précision. C'est quoi la constante de Rydberg pour les auditeurs? La constante de Rydberg, c'est une quantité fondamentale qui relie les niveaux niveaux de l'atome d'hydrogène. Et c'est relié aux constantes fondamentales, enfin, des grandeurs fondamentales, la charge de l'électron, la masse, l'électron, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Et il y a des techniques de spectroscopie qui ont été mises en œuvre et sur un temps très long par Ted Hansch pour essayer de mesurer très très précisément et la précision de cette constante de Rydberg est telle que ça a permis de questionner des théories de physique très fondamentales. Et aussi, ça a permis de développer de nouvelles approches de spectroscopie qui sont utilisées pour plein d'autres choses. Et donc, à chaque fois, ça a été la même chose. Pour la résonance magnétique nucléaire, ça a été la même chose. Donc, à chaque fois, les nouveaux outils qu'on développe, on irrigue un champ de recherche, en fait. Et donc, nous, l'hydrogène pousse les développements de la physique des hautes pressions. J'ai dit, la première fois que je suis allé à l'ASRF, c'était pour faire l'hydrogène. Mais les techniques qu'on a mises en place pour étudier l'équation de l'hydrogène, avec le rayonnement synchrotron puissant de l'ASRF à l'époque, ont permis d'étudier plein d'autres systèmes ensuite. Donc ça tire le domaine, en fait. Et... Alors pour fixer les ordres de grandeur, pour Loubert, vous parlez de pressions qui sont plus de 4 millions de fois plus que la pression atmosphérique. Ouais, ouais. Pour donner une idée des ordres de grandeur, elle est de combien la pression au centre de la Terre, par exemple? 3,6 millions d'atmosphères. Donc on est plus. Oui. Et à propos de ce qu'on pourrait appeler la découverte, est-ce que quand vous avez vu que l'hydrogène se met effectivement dans un état métallique, est-ce que c'est quelque chose qui apparaît tout d'un coup sur un écran, par exemple, ou est-ce que c'est le résultat d'une longue analyse? Est-ce qu'il y a un instant de la découverte, une sorte de joie qui correspond à l'eureka, ou est-ce que c'est une sorte d'accoutumance progressive à l'idée qu'on a produit un résultat important? Non, en fait, là, justement, avec Florent Occhielli et Paul Dumas, le soir de la mesure, on a vu qu'on avait un bel échantillon qui allait tenir en pression, ça montait bien. Et en fait, on devait voir, on voyait les spectres en eux-mêmes avaient la signature de l'évolution vers cette phase métallique. C'est-à-dire qu'on voyait la partie d'énergie infrarouge qui était de moins en moins transmise à travers l'échantillon. Donc on voyait, c'est les courbes qu'on voit dans l'article de Benchop, les courbes sont brutes. On voyait sur l'écran que ça a évolué comme ça. Et donc, on savait que ça allait, que le gap se fermait. Après, il y a une analyse pour relier ça au gap électronique. Mais rien que les courbes, on voyait que ça allait évoluer vers cette phase, cet état métallique. Et donc, cette phase, elle dure combien de temps? 10 minutes? Hein, ah non, on est monté, l'expérience a duré 2 jours, en fait. 2 jours, mais, il faut... Assez vite, vous avez compris que c'était bon. On a compris qu'on avait au moins un résultat intéressant qui était qu'on avait des mesures qui nous montraient que le gap électronique se fermait. Même si on n'avait pas la métallisation, on était quand même content parce que c'était un progrès par rapport à tout ce qu'on avait fait. On allait pouvoir publier quelque chose. Ça faisait quelques années qu'on avait... Rien de publiable, vraiment. Mais voilà. Content, ça veut dire quoi? On s'embrasse, on boit du champagne? Non, on était content, mais en fait, on était très concentré parce qu'en fait, la moindre erreur, il faut voir, c'est que l'échantillon est tellement petit, tout est tellement réglé, qu'il faut que tout soit très très stable. On l'a pas dit, mais la taille de l'échantillon, c'est quelques... C'est 5 microns, en fait. Voilà. Microns. Mais en fait, si on perd l'alignement, on peut plus le retrouver, quasi, parce qu'on est à basse température. Plus on monte en pression, il y a de moins en moins de photons qui passent à travers, donc il faut que tout soit parfaitement stable. Donc là encore, il y a un cryostat, le banc, tout était parfaitement stable. Et le moindre appareil qui tombe, qui a un problème, hein, une pompe de circulation d'azote liquide qui tombe, qui a un petit problème, quelqu'un, je sais pas, un moteur qui répond bon, pas. C'est le stress du chercheur pendant l'expérience. Voilà. Et donc on avait ça et on savait qu'on allait monter à et à un moment donné on a plus du tout de transmission à travers l'échantillon, l'absorption complète. Et donc là, on savait qu'on n'avait pas atteint l'hydrogène métallique atomique, puisqu'il était là, on voyait l'échantillon, il était pas parfaitement réfléchissant comme le métal devrait être, le métal atomique. Et il fallait prendre la décision de savoir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait continuer pour avoir le métal atomique ou alors en pression, ou alors redescendre pour voir, montrer que c'était réversible et on a pris la décision le lendemain de redescendre et de refaire les mesures en descendant. Bravo. Alors, voilà, Paul Aubert, tout ça, ça a conduit à une publication. Ouais. Et la publication elle-même, c'est une aventure. Ah oui, bien sûr, oui, parce que en fait, c'est un sujet qui est tellement de compétition pour certaines équipes. Donc, effectivement, quand on soumet un article comme cela, c'est envoyé à nos compétiteurs directs et qui cherchent tout pour toutes les arguments pour essayer de dire que. C'est pas obtenu. Mais c'est à ce moment-là que vous collaborez entre guillemets avec eux, ou est-ce qu'il y a des collaborations avant sur des techniques que vous échangez, des résultats que vous partagez? Non, en fait, on publie nos avancées expérimentales. Et après, là, un résultat comme ça, c'est validé par les pairs, en fait. Et donc, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que le papier a eu du mal à être accepté? En fait, il y avait plusieurs référés. Il y en avait un qui avait un regard très biaisé, en fait, parce que ça l'embêtait. Ça l'embêtait, voilà. Donc, il a cherché par tous les moyens. Mais finalement, il y a eu suffisamment de référés qui ont. Et l'éditeur a pris la bonne décision. Et donc, ça a conduit à ce terme que je citais en préambule. Voilà, probable. Preuve probable. Voilà, c'est ça, voilà. Parce qu'on n'a pas une mesure. Ce qu'il demandait, c'est qu'on est tout du premier coup, alors que par rapport à ce qui a été publié jusqu'avant, c'était quand même très. Une belle avancée. Et donc, est-ce que vous. Enfin, j'imagine que ça a changé votre vie, puisque pendant près de 30 ans, vous êtes dans le domaine des hautes pressions, et puis tout d'un coup, après une détermination et une patience incroyable, vous arrivez à un résultat qui montre que, en effet, la temporalité de la recherche n'est pas celle à laquelle on est habitué dans d'autres domaines. Oui, mais ça ne change pas grand-chose, en fait, parce que c'est une étape vers quelque chose de il faut aller plus loin, caractériser, mesurer des propriétés de l'hydrogène. On a montré qu'on pouvait avoir des échantillons qui permettraient de faire ces belles mesures. C'est une étape importante, hein. C'est une publication qui a été très commentée dans la presse. Non, c'est une étape importante, bien sûr, on a peu de résultats comme ça dans une vie de chercheur, je pense. Voilà, c'est une étape importante. Voilà, c'est ça que je voulais vous amener à dire. C'est l'aboutissement de, et on était avec Florent Celli et Paul Dumas, on était très, très contents, bien sûr, oui. Mais on est encore plus motivés maintenant pour essayer de faire des mesures pour mettre en évidence une propriété un peu extraordinaire de l'hydrogène. Il y a des applications théoriques impressionnantes, notamment dans le domaine de l'astrophysique, à propos des planètes qu'on appelle les planètes géantes comme Saturne. Ouais, alors l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant du système solaire, et Jupiter et Saturne sont deux planètes qui sont formées à 90% d'hydrogène. Mais l'hydrogène, dans Jupiter et Saturne, il est fluide, il est dense, c'est liquide. Et chaud. Et donc, il y a des approches de la métallisation de l'hydrogène qui apparaissent sur des compressions dynamiques, où on va regarder quand l'hydrogène devient conducteur. Et les premières annonces de l'hydrogène métallique ont été faites par mesure dynamique. Mais en fait, c'est des mesures, c'est un peu comme un métal, parce que la densité est importante dans ce processus d'arracher des électrons à l'hydrogène moléculaire pour en faire un plasma. Des protons, des électrons en phase très dense, c'est un plasma. Si ce n'est que le processus, un plasma, on le fait par rapport... ITER, c'est un plasma d'hydrogène. ITER, c'est un réacteur expérimental pour la fusion nucléaire. Voilà. Et donc, on cherche à mettre l'hydrogène et à des millions de degrés. Et c'est des protons et des électrons. C'est donc il est très conducteur, mais c'est très très peu dense. Plus on va monter en densité, moins il va falloir chauffer l'hydrogène pour le rendre conducteur. Et à un moment donné, c'est les effets de densité, avec ces effets de mécanique quantique qui font que les électrons vont avoir tendance à se déconfiner, qui va l'emporter sur l'effet de température. Et il se pourrait même que dans phase fluide, il y a une transition de phase du premier ordre, c'est une discontinuité entre le fluide moléculaire et le fluide comme une transition de phase dans un solide. Mais là, c'est fluide-fluide. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement pour essayer de regarder cette transition. Et la pression dans les planètes géantes comme Saturne et c'est 40 millions d'atmosphères au centre de Jupiter. Et les températures, c'est 15 000 degrés Kelvin, 15 000 degrés. Et donc, par rapport à celles que vous avez atteintes en laboratoire, c'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus, oui, bien sûr. Mais c'est pas la même physique. Mais l'hydrogène conducteur dans Jupiter, l'hydrogène métallique, comme on dit, est important pour comprendre éventuellement une séparation de phase entre l'hélium et l'hydrogène, puisque l'hydrogène métallique exclut tout hélium. Et donc, ça permet de comprendre l'évolution de ces planètes, leur champ magnétique, par effet dynamo. Le champ magnétique et aussi la température de ces planètes. Saturne est beaucoup plus lumineuse parce qu'il y a l'énergie gravitationnelle de la précipitation d'hélium à l'intérieur de la planète qui est due à la formation de cet hydrogène métallique, en fait. Alors, Paul Aubert, en discutant avec vous, on voit que cette question du comportement de l'hydrogène à très haute pression engendre toutes sortes de questions théoriques. Ouais. On comprend mieux comment la mécanique quantique s'applique à certains systèmes, mais il y a aussi des applications pratiques qui intéressent beaucoup de gens. Est-ce que vos travaux permettent d'en envisager quelques-unes, par exemple à propos du stockage de l'énergie? Oui. En fait, l'hydrogène, et dans les années 70, justement, l'école russe a regardé, est-ce que l'hydrogène, est-ce que c'était un supraconducteur, est-ce que cet hydrogène métallique serait métastable à pression ambiante. Est-ce qu'on pourrait le ramener à pression ambiante? Et donc, il y a eu beaucoup de calculs. La question n'est pas encore tranchée. Alors, métastable, ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pourrait, c'est pas le plus stable. C'est comme le diamant. Le diamant, c'est la forme du carbone qui synthétise sous pression et qu'on ramène à pression ambiante. Néanmoins, le diamant, si vous chauffez, se transforme en graphite. C'est pas la forme stable, mais il va pas spontanément aller vers la forme graphite. Donc, on le ramène métastable, mais c'est pas la forme la plus stable. Bah, l'hydrogène métallique, ça pourrait être la même chose, si ce n'est que, bon, il faudrait monter à des pressions extrêmes et puis le ramener. On sait pas encore si on peut le ramener. Et donc c'est un matériau qui aurait des propriétés extraordinaires. Donc une supraconductivité à température ambiante. Ça permettrait de beaucoup d'applications pour le transfert de l'électricité. Oui, donc il stockerait une énergie chimique qui serait en gros 12 ou 13 fois plus que celle du couple O2H2. Donc pour la propulsion spatiale, ça révolutionne la propulsion spatiale. On va sur Mars en un quart d'heure. Voilà. Le problème c'est que c'est c'est un peu illusoire de vouloir faire des tonnes d'hydrogène métallique, si ce n'est que il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, poussé par cette recherche d'hydrogène métallique, il y a la communauté des théoriciens, en particulier emmenée par Roald Hoffman, qui est un chimiste qui a eu le prix Nobel assez jeune, dans les années 80, et puis Neil Ashcroft, qui est un théoricien très connu de la matière condensée, ils ont montré qu'ils recherchaient des moyens d'avoir des systèmes analogues à l'hydrogène métallique. Et ils ont fait des calculs, ils ont montré que dans les métaux, sous très haute pression, on pouvait mettre beaucoup d'hydrogène dans les métaux. Et donc c'est ce qu'on a appelé les superhydrures. Donc il y a eu beaucoup de calculs qui prédisaient les stabilités de ces superhydrures. Et ils ont été observés il y a 5-6 ans. On en a observé un des premiers on a réussi à mettre 5 atomes d'hydrogène pour un atome de fer. On a fait du FeH5 et c'était assez, une structure assez belle avec des plans d'hydrogène atomique et des FeH. Et le point important, c'est que ces superhydrures pourraient être des supraconducteurs à haute température. Donc ça a lancé des tas de calculs et des expériences et effectivement, des mesures ont été faites sur ces superhydrures et le record de supraconductivité est obtenu sur ces superhydrures avec une supraconductivité de 250 K sur le lanthane H10. 250 Kelvin, c'est-à-dire moins 20 degrés, moins 26 degrés. C'est Celsius. Et donc, c'est pratiquement la température. Presque la température ambiante. Si ce n'est qu'ils sont quand même à 1,6 million d'atmosphères. Donc, est-ce que ça donne des. Donc, l'hydrogène a donné l'idée de matériaux où, en mettant un peu de. Un métal, on arrive à garder des propriétés un peu spectaculaires à l'hydrogène. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à abaisser les pressions de synthèse de telles superhydrures plus bas et les garder métastables? C'est tout un enjeu de recherche actuellement en physique des hautes pressions. Mais imaginons, Paul Loubert, qu'on arrive à mettre au point des techniques permettant d'avoir des supraconducteurs à la température ambiante, moyennant des techniques pas trop sophistiquées, donc des supraconducteurs en grande quantité. Qu'est-ce que ça changerait dans notre vie et dans notre rapport à l'énergie, par exemple? Je pense que pour tout ce qui est la microélectronique, il y a beaucoup de des supercalculateurs, ils chauffent par effet joule. Hein. Donc, si on arrivait à avoir des supercalculateurs... Et pour le transport de... Le transport de l'énergie, évidemment, il y a des pertes thermiques, des pertes par effet joule sont importantes. Mais après, il y a eu beaucoup d'attentes depuis les années 80 et c'est très difficile de mettre en place des matériaux à grande échelle. Je pense que ces supraconducteurs haute température basés sur des superhydrures ou des systèmes un peu analogues seront réservés à des applications bien particulières, en fait. Mais ne serait-ce que pour les RMN dans les hôpitaux. Actuellement, c'est refroidi à l'hélium. Si on arrivait à avoir, ne serait-ce que faire ça, s'affranchir de l'hélium, ça permettrait de gagner beaucoup. Paul Aubert, on arrive au terme de cette émission. Je voulais vous demander, pour conclure, en quoi ce résultat, cette publication importante qu'on a tenté d'expliquer aujourd'hui, a changé vos relations avec les équipes concurrentes? Est-ce que vous êtes imposé comme une équipe un peu leader dans le domaine, ou est-ce que le sentiment de revanche il y a pas de sentiment de revanche. C'est comme une course, c'est une compétition. Effectivement, il suffit pas d'être le premier, il faut que les mesures soient fiables, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on avait essayé de bâtir une certaine réputation avec des mesures qui soient valides, plutôt que d'être le premier à annoncer quelque chose qui ne soit pas validé de faux. Mais la satisfaction, c'est surtout de faire un résultat qui soit après utilisé et puis qui permette de faire avancer les choses. Et là, ce qu'on montre, c'est qu'on a maintenant des échantillons hydrogène qui vont permettre de caractériser finement les propriétés de ce matériau et qui pourront peut-être amener de nouvelles avancées théoriques et pour de nouveaux matériaux. Merci Paul Loubert, je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique pour nous parler de cette histoire longue et passionnante des hautes pressions, notamment lorsqu'on les applique à l'hydrogène. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Tar Bouklifa et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.